avancer les entrepreneurs. CBC, décidez d'avancer. Bonjour et bienvenue sur Vivacité, il est 11h. Et c'est Justine Hermans qui vous informe. Bonjour Justine. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. 40% des personnes âgées de 80 ans et plus sont mal soignées. C'est ce qui ressort d'une étude de l'université de Gand. Ces personnes prennent soit trop peu de médicaments, soit les mauvais. Les chercheurs de cette étude mettent en garde contre le risque de décès qui augmente si le traitement n'est pas bon. Une information du quotidien flamand De Morgen. Une fuite de gaz à Philippeville, aujourd'hui dans le Namurois, près du centre-ville. La chaussée est fermée. Le secteur est à éviter. À l'étranger, l'Allemagne s'oriente vers une interdiction partielle de la burqa. C'est ce qu'a déclaré le ministre allemand de l'Intérieur, Thomas de Maizière. Selon lui, ce voile intégral n'est pas compatible avec son pays ouvert sur le monde. Il n'a pas donné de calendrier pour interdire la burqa. L'idée est soutenue par les conservateurs, mais pas par tous les sociodémocrates du SPD, le parti du ministre de l'Intérieur. Au Yémen, MSF Médecins Sans Frontières a décidé d'évacuer son personnel de plusieurs hôpitaux après le bombardement d'un hôpital à Habs il y a 4 jours. L'attaque a fait 19 morts et 24 blessés. C'est la quatrième attaque sur une structure de soins encadrée par MSF. Vous étiez 440 000 téléspectateurs hier soir sur la 2 à avoir vibré avec les Red Lions pour la finale olympique de hockey. Malheureusement pour eux, l'Argentine a été plus forte. Score final 4-2. Les hockeyeurs belges repartent tout de même avec la médaille d'argent. Et d'autres Belges à suivre aujourd'hui aux Jeux de Rio. D'abord en équitation à 15h pour le saut d'obstacle de Jérôme Guéry et son cheval Grand Cru. Il y aura du BMX en début de soirée et plus tard cette nuit de l'athlétisme pour le relais 4 x 400 mètres. La météo, encore des éclaircies aujourd'hui, accompagnées dans l'après-midi d'averses ou de faibles pluies d'ouest en est. Et les températures, elles restent douces entre 21 et 25 degrés. RTBF Mobile Info avec vous, Caroline Gillet, et il y a un accident sur la E42 à hauteur d'Andenne. Exactement, dans le sens Namur-Liège, c'est peu avant Andenne. Voie d'arrêt d'urgence neutralisée, mais prudence, il y a des débris sur la chaussée, nous signale-t-on en direction de Liège. Vous en avez parlé, cette fuite de gaz à Philippeville à hauteur de la rue du Moulin, chaussée fermée, et donc secteur à éviter autant que possible. Des ralentissements pour accéder sur le territoire français, sur le 17 envers Lille à partir d'Albeck, soit sur 4 km, vous perdez une vingtaine de minutes en direction de la France. Une perte de mazout à signaler aussi sur l'E34 Eindhoven-Anvers à hauteur de Lille. Voie de droite glissante en direction d'Anvers. Et puis un radar nous a été signalé sur le 411 Namur-Bruxelles entre Aiguezé et Torambay en direction de la capitale. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Un air de vacances encore aujourd'hui sur Vivacité avec vous, Stéphane Piedbeuf. Mais oui, c'est ça, on est là jusqu'à 13h, c'est un peu la dernière de la saison d'été, alors que la semaine prochaine quand même, je veux rien dire, mais on annonce des 30 degrés à partir de mardi, ça mercredi, sera encore les vacances. Jeudi, vendredi, ce sera encore les vacances et nous on aura déjà le nouveau cartable de la rentrée. C'est pas grave, vous reviendrez quand même à midi? Allez, je vais essayer. Et je vous offrirai même un cocktail. Une rentrée moins chère plus une rentrée moins chère égale Cora. Tout le monde est d'accord? Une rentrée comme ça, c'est chez Cora. Ou chez Cora. Un air de vacances sur Vivacité. De 11h à 13h avec Stéphane Piedbeuf. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors est-ce que quand vous vous êtes levé ce matin, vous vous êtes dit, ça y est, aujourd'hui, je choisis que ça va être une belle journée? Eh ben vous avez bien fait. Si c'est pas le cas, elle commence maintenant à 11h04 la journée. On va passer du bon temps jusqu'à 13h avec la musique, bien sûr, toute la musique que vous aimez. Et des tubes de l'été. Tout à l'heure, il y aura le tube de l'été 1988, cette chanson qui dénonce l'apartheid, qui fut numéro 1 chez nous. Ce sera Eddy Grant. Au bar de la plage de Nicolas, on va aller le chercher, il va venir vous dévoiler la météo de notre littoral, mais aussi la météo de vos vacances, car il y en a qui partent, hein, à commencer par Sylvain, qui est juste en face de moi, qui réalise un air de vacances, et lui, il est un petit peu dégoûté, puisqu'il part en vacances la semaine prochaine, et on annonce 30 degrés ici, bah voilà, il fallait partir plus tôt, ou plus tard. Allez, bienvenue dans un air de vacances, il y aura les people en vacances, on appellera Cyril à 11h30. Un air de vacances sur Vivacité. Et puis les cadeaux, bien sûr, vous partirez à Belle Howard, en famille, s'il vous plaît. 4 personnes, vous allez pouvoir profiter de Belleward même pendant le mois de septembre. On en parle juste après. Maître Gims et Sia, voici Je te pardonne. Tu m'as demandé pardon, je t'ai repoussé, repoussé. Je voulais que tu comprennes que je souffrais, mais t'as laissé ton odeur sur les bras, sur les bras. Je donnerais tout pour être dans tes bras, dans tes bras. Et j'ai tenté de te haïr, mais la colère est partie. Les bons souvenirs l'emportent sur la haine et la rancœur. Sans se lancer un regard, je ne sais quoi dire quand on fait la remarque, notre entourage tente de nous raisonner, raisonner, je pense qu'il est temps de se retrouver, retrouver. Qui ne retire jamais ses lunettes de soleil. Maître Gims était sur Vivacité. Dans un instant, Denis Collard avec la météo des plages et de vos vacances. Et puis on vous emmène voir les léopards de l'amour. Ça vous tente? Est-ce que ça vous tente d'aller voir les léopards de l'amour? Sylvain, les léopards de l'amour. Oui, bah ça peut être sympa. Il y a aussi les éléphants d'Asie. Hein, moi je préfère les léopards de l'amour. Girafe, lion, tigre, bison d'Europe, les lémures kata, et puis il y a des attractions aussi là où on vous emmène. Hurricane, il y a le Bengal Rapid River, il y a le Boomerang, le River Splash, le Screaming Eagle, le Niagara, le 4D, le Poté Prince, et puis plein de restaurants, des spectacles, des événements. Bref, vous allez vous amuser à Belleward, on vous emmène à Ypres, et on fait pas les choses à moitié sur Vivacité puisqu'on vous envoie carrément à 4. Hein. Passe familial, vous allez pouvoir en profiter jusque la fin du mois de septembre. Voilà, ça va prolonger les vacances de vos enfants, ils seront ravis. Et pour gagner, eh bien, c'est le jeu le plus compliqué de la saison. On va vous passer un extrait d'une chanson et il va falloir nous envoyer l'interprète ou le titre, hein. On va dire, puisque c'est la dernière quand même, l'interprète ou le titre de la chanson par SMS au 60-03 pour 75 centimes. 60-03, l'interprète ou le titre de ceci. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, ce n'est pas le Père Noël. C'est qui alors? 60-03, écoutez. Allez, bonne chance à vous et peut-être à tout à l'heure en direct sur Vivacité. Viva.

Like a Prayer, c'était Madonna sur Vivacité. Tout à l'heure, il y aura Puff Daddy avec une super chanson, ce sera I'll Be Missing You, un souvenir de l'année 1997. Mais dans quelques secondes, c'est Denis Collard qui va nous annoncer la météo de notre littoral et puis la météo de vos vacances aussi que vous nous avez demandé par mail via vivacité.be, rubrique Un air de vacances. Spirelet Automobile. Découvrez prochainement votre nouveau Ford Store à Verviers. Pendant les travaux, nous restons ouverts et vous bénéficiez des meilleures conditions sur tous les véhicules de stock. Spirelet Automobile. Le meilleur service au meilleur prix. À Liège, Trois-Ponts et Verviers. Vivacité présente la 12e fête médiévale de Remouchamps, c'est 20 et 21 août. Combat de chevaliers, joutes équestres, montreurs de rapaces, jongleurs, troubadours, concerts ménestrels, feux d'artifice. Assistez au spectacle ou passez votre brevet de l'écuyer en participant aux animations. Info www.fetemedieval.be. Cuisine Xina. Recevez jusqu'à 100% de réduction sur votre électro pendant le festival Cuisine. Conditions sur Xina.be. C'est bien pensé. Hier, c'était de nouveau. Quoi, qu'est-ce qui se passe? Oh, j'ai eu des vacances de rêve. Et c'est bien, non? Oui, enfin, à part quelques petits débordements. De la piscine? Non, de mon jeans. Oh, le buffet à volonté. Ah oui, je vois. Achetez maintenant un jeans dame chez CA et recevez le deuxième à moitié prix. CA. Et 11h22, direction la route avec Caroline Gillet. Avec un accident sur le 42 Namur-Liège, peu avant Andenne. Les voies de droite et d'arrêt d'urgence sont neutralisées. On a des files sur 3 km, 20 minutes de retard en direction de Liège. Et prudence, il y a des débris répandus sur la chaussée. Une fuite de gaz à Philippeville à hauteur de la rue du Moulin. Chaussée fermée, un large périmètre de sécurité a été mis en place tout autour. C'est donc un secteur à éviter autant que possible. Et puis 20 minutes de ralentissement sur le 17 Anvers. L'île défile depuis Albeck vers la France. Merci Caroline. Et puis tout à l'heure, ne manquez pas le Mobicopter RTBF, n'est-ce pas? Dès 15h30, vous le confirmez, hein. Je vous confirme que le Mobicopter volera dimanche. Et aujourd'hui aussi? Aujourd'hui aussi. Ah, ok, vous m'avez fait peur. Je me dis, mince, je me suis trompé depuis ce matin, on raconte des bêtises. Mais non, bien sûr, le Mobicopter aujourd'hui et puis dimanche aussi. Merci Caroline, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. 11h, 13h, un air de vacances sur Vivacité. Denis Collard, bonjour, c'est la dernière de la saison d'été. Merci pour toutes ces météos des plages et des vacances. Nous nous sommes véritablement, je pense, bien amusés à voyager dans le monde entier. Mais avant de prendre l'avion, restons chez nous en Belgique. Sale temps pour le littoral, n'est-ce pas Denis? Bon, disons que le week-end va être un petit peu touchy, comme on dit, parce que le vent va commencer à devenir un petit peu plus pressant demain et après-demain. Demain, des rafales de 50 à 60 km à l'heure et dimanche, des rafales de 60 à 70 km à l'heure sur notre littoral. Alors, ce matin, le ciel se couvre sur nos côtes. On aura quelques bruines possibles, mais seulement en fin d'après-midi. Donc, encore une journée moins lumineuse, mais où les températures pourraient encore approcher 22, peut-être même 23 degrés du côté de Knokke. Donc, on pourra encore en profiter. Le vent va donc se lever. Demain, les averses seront quand même fort espacées. Dimanche, elles seront un petit peu plus fréquentes, mais ne rangez pas tout de suite le seau et la pelle, car l'été revient la semaine prochaine. Laurence et Olivier, ainsi que leurs enfants, nous écoutent depuis Lisbonne, au Portugal. Denis, avez-vous des bonnes nouvelles pour les rassurer ce week-end? Eh bien oui, et puis je comprends aussi qu'il se fasse quelques inquiétudes, car hier, c'était pas terrible. Ah bah oui. Ce matin, il y avait encore un petit peu de bruine sur Lisbonne, donc aujourd'hui, ça restera quand même très nuageux. On atteindra 27 degrés et au fil des heures, ça va devenir un temps sec. Mais dès demain, on retrouve du soleil, 26 degrés. Et puis à partir de dimanche et les jours suivants, on repasse allègrement, enfin, on repasse la barre des 30 degrés. On les atteint dimanche, puis 31 lundi, 32 pour mardi. Voilà donc retour d'un temps sec. Mais finalement, les petites pluies bruines qui sont tombées ont fait du bien, au moins sur le front des incendies de forêt qui sont nombreux au Portugal pour l'instant. Merci Denis Collard, vous reviendrez tout à l'heure et on prendra même la direction de Saint-Domingue en République Dominicaine, une destination de rêve. Voici la grande Sophie et Nicolas Lee, les porte-claques. Will you remember my hand caressing the milk of your skin? Will be a million anthems to celebrate the love we've seen. Will you remember at the end the sort of dance of fading spring? And with the same sky over our heads, your face will turn to other screens. On ne sait jamais vu le temps qui passe, les années qui défilent, je regarde en face. Les portes claquent sur mes joues, des questions à devenir fou. Vu le temps qui passe.

day that get closer. Seeing you again. We miss you, babe. And we won't stop. Cause we can't stop. Dans quelques instants sur Vivacité, après Puff Daddy, il y aura aussi dans quelques minutes Axel Red et de la sensualité dans Un air de vacances. Il vous présente chaque jour le 5 à 7, c'est Cyril qui est avec nous par téléphone. Bonjour Cyril. Bonjour Stéphane, bonjour tout le monde. Comment ça va? Bah ça va et vous? Bah oui, j'ai l'impression que vous n'avez pas pris de vacances cet été. Je me trompe? Ah bah vous vous trompez, je suis parti deux bonnes semaines, ça fait du bien. C'était où, c'était quand? Alors c'était coupé en deux, c'était tout début juillet, je suis parti les deux premières semaines, repos, détente sur la côte du Pays Basque française, ouais. Et puis un petit tour pendant une semaine sur la côte d'Azur. Ah ouais, ça va, ça c'est bien. Oh. Voilà, c'est bien, deux styles, deux ambiances quoi. Tiens, quelle est la chanson qui représente le mieux l'été pour vous? Autrement dit, votre tube de l'été préféré? Alors pas spécialement de cette année, hein, ça peut être un tube de l'été des années 80 si vous en avez envie. Alors, il y a un titre bien ringard, je pense, des années 90, qui, pour moi, ça sonne bien été, c'est Carapicho. Vous vous souvenez de... Tic-tic-tic-tic-tic-tac. Ouais. Ouais, je me souviens du dessin animé, mais pas de la chanson. Bon, on va l'écouter. Mais vous mettez ça en soirée, vous êtes sûr que tout le monde bouge, quoi. Ouais, bah, on va le mettre ici, même s'il est 11h32 du soir. Quel est votre meilleur souvenir de vacances? Quel a été votre meilleur souvenir de vacances? Des souvenirs de vacances, il y en a plein. Mais j'avais peut-être un souvenir qui date de quand j'étais parti au Canada petit avec mes parents, et que au réveil il y a des traces d'animaux dans la neige, qu'il y a un lac immense devant, qu'on chausse les patins et qu'on va faire un petit tour sur le lac le matin, et la magie de Noël au Québec qui est quand même assez intense. J'ai peut-être ça, ouais. Alors c'est pas très vacances d'été, mais c'est des vacances, c'est un bon souvenir ces vacances. Bah, c'est rafraîchissant en tout cas, hein. Ah bah ça c'est sûr. Alors, êtes-vous plutôt camping ou hôtel? Tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tac. Excusez-moi, je répondrai à votre question plus tard, mais avant je chante. Hein. Ouais, d'accord, allez-y. Tiki-tiki-tiki-tiki-tac. Ah, quelle chanson, ça. Ça devrait passer tout le temps. Ouais, on va la mettre, hein, vous tracassez pas. Pour revenir à la question, j'irais plutôt hôtel, bien que j'ai jamais tenté le camping. Ouais, ça fait peur, hein. Mais en fait, il y a un truc qui me stresse énormément, c'est que le camping, je vois le truc encore, je sais qu'aujourd'hui il y a des bungalows et tout ça, mais je vois encore le camping en tente et j'ai une phobie des insectes. Ah. Et donc, imaginez qu'à un moment je fasse colocation avec une araignée, avec même une fourmi. C'est quelque chose qui me stresse, qui me fait peur, qui m'angoisse. Et donc, comme je préfère quand même dormir la nuit, voilà, préférence pour l'hôtel. Très bien. Piscine, mer ou montagne? Ça dépend de la période. On parle de l'été, parce que bien sûr. La montagne l'été, j'ai déjà tenté. Il y a moyen quand même de. Faut aimer le sport, sinon il y a moyen de s'ennuyer. Et alors la mer, vous allez rire, mais il y a le même problème en mer qu'en camping. C'est-à-dire qu'il y a aussi des bêtes dans l'eau. Donc, donc vous avez la phobie des poissons aussi. Oui. En fait, vous n'aimez pas les animaux, si je comprends bien. Si, j'aime bien les animaux. Mais j'adore par exemple aller, derrière un grillage, vous savez, mais dans les parcs, ça c'est pas mal. Non, j'ai peur de tout ce qui est pas contrôlable. Donc dans la piscine, a priori, c'est plus safe. Ok, vous êtes déjà allé voir un psy? ça peut se soigner ce genre de truc. Hein. Non, mais vous n'avez pas peur, vous j'ai eu le cas justement quand j'étais sur la Côte d'Azur, il y avait des poissons qui apparemment venaient respirer de temps en temps en surface. Oui. L'eau était un peu chaude et donc ils prenaient l'air. Et j'ai dit, j'avais peur, je n'osais pas. Donc avec ma compagne, on me disait, mais va voir ce que c'est. Je dis, mais je peux pas. Imaginons que ce soit un poisson qui après m'attaque. Voilà, donc c'est un truc qui me fait vraiment peur. Rien que la musique m'angoisse. Alors, les boissons, est-ce que vous avez peur des boissons? Non, ça va. Non, alors, a priori, quel est votre apéro, votre cocktail préféré de l'été? Alors c'est revenu à la mode, mais un bon gin tonic avec un tonic un peu aromatisé, avec quelques baies peut-être à l'intérieur, ou alors un le concombre. Top du top. Ouais, le concombre c'est pas mal. Sinon le top du top en gin, avec un peu de gingembre et un bâton de citronnelle. Vous laissez infuser un peu et alors là c'est un régal. Très bien, j'ai jamais goûté. Bon, votre plat préféré de cet été? Alors, plat préféré. J'ai une maman qui a un restaurant qui fait des plats à la truffe et je vous cache pas que le carpaccio de truffe, c'est rafraîchissant l'été. Ah, là, je vous crois. Donc, je vous crois. Ouais. J'ai cette chance-là de pouvoir goûter ça et voilà, ça c'est un petit moment de bonheur quand même. Attention, il y a des moustiques dans cette émission, faites attention Cyril. Je voilà. Peux raccrocher s'il y a des voilà, bêtes. Mais vous savez qu'on attire, en fait, même quand on a peur de quelque chose et qu'on essaie d'éviter les insectes, on les attire. Hein. Ça s'appelle la loi de l'attraction, faut faire attention à ça. Oui, bien sûr, bien sûr. Ouais. J'ai peur de l'argent, oh, j'ai très très peur de l'argent. Ça marche? Oui, écoutez, il faut vous imaginer riche et ça va venir. Dans quel endroit vous sentez-vous en vacances chez nous en Belgique? Oh bah dès qu'il y a un petit point de, dès qu'il y a un petit coin de verdure, un petit peu d'eau, quelque chose, j'adore. Donc ça peut être du côté de Tervuren, il y a un parc, il y a un parc immense là-bas avec un petit resto, un ponton, terrasse sur le lac. Là ça peut être pas mal. J'étais à Durbuy il y a quelques jours, là aussi on est vachement en vacances. Dès qu'il y a un petit coin vert et un petit plan d'eau, je suis au paradis. Moi. Bon, c'est parfait. Alors, ça fait combien de temps que vous faites de la radio, Cyril? Ouh, ça va faire 19 ans là, dans pas longtemps, dans quelques jours. Soyez honnête, est-ce que vous pouvez exercer la radio ou pas? Exercer la radio? Oui. Bah, vous avez votre numéro. Je vous comprends pas. Votre numéro d'Imani, vous l'avez ou pas? Ah! Oh là là là là là là là là! Alors, oui ou elle non? Elle vient de loin, mais. Je vais vous dire oui. Allez, à tout à l'heure, 17h pour le 5 à 7 Vivacité. C'était Cyril, notre invité dans les People en vacances sur Viva. Take a breath, rest your head, close your eyes, you are right. Just lay down to my side. Do you feel my heat on your skin? Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Hold my step, I'm in command. Can you feel my hips in your hands? And I'm laying down by your side, I taste the sweet of your skin. Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right. So much faster, I drown myself in your holy water, and both my eyes just got so much brighter, and I saw God, oh, he is so much closer. In the dark, I see your smile. Do you feel my heat on my skin? Take off your clothes, blow out the fire. So shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Soyons pas timides, don't be so shy. C'était Imani sur Vivacité, un tube de cet été, c'est sûr. Émilie de Kegel est là. Bonjour. Une journée particulière pour vous aujourd'hui. Oui. C'est votre dernière journée sur Vivacité. Oui. Puisque vous partez pour le Pays Basque. Exact. Vous allez rejoindre votre amoureux. Oui. C'est beau. C'est beau, c'est magnifique. D'ailleurs, vous serez dans les People en vacances. Hein. Je prends le rendez-vous pour vous à 12h30. D'accord. Voilà, okay. Les People en vacances. Et puis 13h-15h, il faut rassurer l'été du bon côté. Oui, bah de toute façon, quoi qu'il arrive, jusqu'au bout, jusqu'à 15h. Et alors, on va avoir besoin aussi des auditeurs aujourd'hui, parce que pour terminer cette saison estivale, avant d'entamer la rentrée sur Vivacité, on va parler des souvenirs de vacances. Mais pas ceux qu'on se remémore dans la tête, non, ceux qu'on ramène. Donc, vous savez, les boules à neige. Les boules à neige. Les t-shirts avec les figies du club. Oui, le 45. Hein. Voilà. Ouais, le sombrero du Mexique, les cadeaux bien pourris qu'on vous a ramenés aussi peut-être de vacances parce que vous n'avez pas pu partir. On dit bah tiens, t'as ramené un cadeau, hein, super. Donc voilà, on va parler de ça cet après-midi entre autres. Donc on a besoin des auditeurs, des auditrices. Vous avez déjà des petites anecdotes à nous raconter, n'hésitez pas par SMS ou via la page Facebook de l'émission. Vous aimez Villers-la-Ville ? Oui. Vous aimez Michel Fugain ? Moi aussi. Bah c'est parfait, parce que on invite deux personnes à aller à la nuit des cœurs. Alors cœurs, les cœurs, pas comme le cœur, hein, c'est le cœur, cœur, puisque Michel Fugain sera accompagné d'un cœur en acoustique. Il y a Scala et les frères Colacny aussi, c'est un grand cœur aussi. Et puis le cœur national d'hommes d'Estonie et plein d'autres. Donc on va demander aux gens, aux auditeurs de Vivacité, de nous envoyer un titre de film. On va voir si vous allez trouver avec cet extrait. Hein, voilà. Écoute Bernard, je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment tout miser sur notre physique, non. Surtout toi. C'est facile ça quand même. Hein? Très facile. Bon, allez, c'est la dernière. Enfin, oui et non. Ah ouais, parce que moi j'ai le titre générique, mais je ne sais plus lequel c'est. Ah, il faut être précis. Oui, c'est ça. Il faut être très précis, s'il vous plaît. Au 60-03 par SMS pour 75 centimes. Donc oui, effectivement, vous avez raison de le souligner. Hein? Hein? Nous serons intransigeants sur le titre correct du film. Allez, à vous de jouer par SMS pour vous amuser au 60-03. Et puis tout à l'heure, un petit peu avant 13h, décidément, vous allez beaucoup bosser déjà maintenant, en fait. Hein. Oui. Vous reviendrez avec le top 3 du Pays Basque. Exactement. Vous avez dégoté des petits trucs très sympas. Et aussi. On veut du local. Hein. Ah bah là, vous allez être servi pour le coup. On veut du local. Axel Red, voici Sensualité. J'aime, j'aime tes yeux, j'aime ton odeur, tous tes gestes en douceur, lentement dirigés, sensualité. Stop, un instant, j'aimerais que ce moment fixe pour des tas d'années. Dans un quart d'heure, il sera à midi, bientôt le week-end. Vous écoutez Vivacité, c'est un air de vacances jusqu'à 13h. Et puis l'été du bon côté jusqu'à 15h. Et puis Marc Vernon vous attendra aussi à 15h jusqu'à 17h pour l'émission Vivre ici. Et on appelle chez vous maintenant, on compose votre numéro, histoire de vous emmener à Villers-la-Ville le 26 août pour la Nuit des Cœurs. C'est un événement top, puisque vous allez pouvoir profiter, eh bien, vous et la personne de votre choix, de plein de concerts sympas, avec notamment Michel Fugain, Scala, les frères Colacny. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Quel est votre prénom? Tatiana. Tatiana, bienvenue sur Vivacité, comment ça va? Ça va et vous? Mais très bien, vous êtes dans quelle région? À Floreffe. Floreffe. Et vous êtes au boulot? Vous êtes en congé, en vacances? Non, au boulot. Au boulot, que faites-vous dans la vie? En fait, je suis designer textile, mais là, je travaille à mi-temps en tant que secrétaire médicale. D'accord. Donc vous êtes secrétaire médical et vous souhaitez exercer votre métier de designer textile, c'est-à-dire créer des vêtements, ça, j'imagine? Des tissus, mais moi je me suis spécialisée, je fais la création de doudous et d'accessoires pour enfants. Ah, sympa ça, les doudous. Ah ouais, voilà. Et vous avez déjà fait des doudous? Oui, j'en fais, je suis indépendante complémentaire, donc voilà. Et elles ressemblent à quoi, vos doudous? Bah allez-y, faites un peu de promo en plus. Profitez-en. Ok, alors vous pouvez me retrouver sur Facebook, donc en tapant mon prénom, Tatiana Jossard, avec designer textile. Oui. Et là, vous tomberez sur ma page. Bon, eh ben, on va aller voir. En fait, ma marque s'appelle ADDR. ADDR. Voilà. Eh ben voilà, merci. Bon, bah c'est bon, on va pas vous offrir les cadeaux, on va l'offrir à quelqu'un d'autre, hein, puisque là, voilà. Là, ça y est, hein, là, le business va remonter, là, le trimestre va être excellent, là, hein, ça a explosé, hein, vous allez vendre 100 doudous d'un coup, là, hein, c'est incroyable. Bon, mais non, on va quand même vous emmener à la Nuit des Cœurs avec Michel Fugain. Qui vous accompagnera? J'espère mon compagnon. Qui se prénomme? Grégoire. Grégoire, eh bien amusez-vous bien en amoureux à la Nuit des Cœurs. Ce sera le 26 août dans le cadre magnifique des ruines de l'abbaye de Villers-la-Ville. Merci d'écouter super. Vivacité, Tatiana. Merci beaucoup. À merci bientôt. À vous. Au revoir. Une bonne journée, un bon week-end. Ah oui, pardon, excusez-moi, j'ai oublié un truc. Sylvain, merci de me le rappeler. Ouais. On va quand même vérifier la réponse. Hein. Oui. De quel film il s'agissait? Les bronzés font du ski. Oui, c'est ça. Bernard, je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. C'est-à-dire qu'on peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi. Voilà, c'est fait, c'est gagné, c'est confirmé. À bientôt, merci Tatiana. Beaucoup. Bye bye. Merci, au revoir. Moi, j'ai acheté cet appartement du 15 au 30. Si tout le monde dépasse d'une demi-journée, qu'est-ce qui se passe, moi? L'année prochaine, je skie au mois de juillet. Coa, coa, coa se la grenouille. L'été bientôt là, elle remontre sa bouille. Pédale Lucien au milieu des boas. Comme tu te sens bien, coa, coa. Visqueuse grenouille. Lucien glisse et son vélo crie ouille. Tu t'es fait battre, Lucien, par un batracien. Voilà pourquoi les AP Assurances vous proposent l'assistance vélo. Une assistance 24 heures sur 24 pour toute la famille à 60 euros par an. Plus d'infos sur lap.be. Les AP Assurances, toujours à vos côtés. Ceci est un produit d'assurance d'AGA International SA Belgian Branch. Vivacité présente la toute nouvelle édition du livre du beau vélo de Ravel. Découvrez l'itinéraire des 13 balades de cet été. Cartes détaillées, photos, astuces, bonnes adresses pour pique-niquer. Une mine d'informations. Le beau vélo de Ravel 2016, un ouvrage aux éditions Weyrich. En vente partout et sur la boutique RTBF. Faites la fête avec nous. Vivacité présente le Solidaris Day, c'est dimanche 21 août à Flémal. Et en plus, tout est gratuit. Solidaris, c'est votre bonheur qui va être content. Solidarisd.be. Bon, t'as pas oublié les maillots? Non. Les valises, elles sont dans la voiture? La voiture?

encore une fois, les bons vieux remèdes de grand-mère vont venir à notre secours. Il en existe plusieurs. En voici quelques-uns. Vous ferez votre choix en fonction de ce que vous avez sous la main ou de ce que vous trouvez plus judicieux. Première solution, l'huile de bras. Une brosse de fer ou une éponge, un peu de détergent et hop! Cela sera rendu plus facile si vous laissez tremper la grille quelques heures. Ce n'est pas suffisant, alors optez pour le bicarbonate de soude, un nettoyant naturel très efficace. Un bon plan tout simple, si votre grille le permet, c'est de la mettre au lave-vaisselle. Elle en sortira toute propre et toute brillante. Pas encore convaincu? Alors essayez l'aluminium. Placez une feuille aluminium côté brillant sur la grille et faites chauffer le barbecue au maximum une petite demi-heure. L'effet sera le même qu'avec un four auto-nettoyant. La graisse brûlée se transformera en poussière qu'il suffira d'enlever avec un chiffon humide. Dans l'hypothèse où votre grille n'est pas complètement carbonisée, vous pouvez aussi la laisser passer une nuit dans le gazon. L'humidité du sol va ramollir la saleté et à condition de la laver dès le matin, ce sera bien plus facile à nettoyer avec une simple éponge et un peu de détergent. Si après tout ça, votre grille est encore sale, optez pour les grands moyens. Mélangez un volume d'ammoniac pour deux volumes d'eau et badigeonnez la grille du mélange. Enroulez ensuite votre grille dans du papier essuie-tout et placez-la dans un sac plastique fermé. Attendez quelques heures et non seulement les saletés s'enlèveront pour ainsi dire toutes seules, mais en plus votre grille sera bien désinfectée en profondeur. Et pour terminer, un petit conseil, badigeonnez vos grilles d'huile avant la cuisson. Cela les protégera, évitera que la viande ne colle, une mesure préventive qui vous facilitera la tâche. They say, Emma, you're so way too young. Just be quiet, bite your tongue. Maybe I should listen to the ones who say there's only black and white and only one right way. All I need is time to figure this all out. And why am I waiting? Get far, but only by being who you are. So I say, let them talk and don't be shy. Emma, keep your head up high. I no longer listen to the ones who say there's only black and white and only one right way. Give me some time and I'll figure it all out. Fortune Cookie avec Milo, c'était Emma Bale sur Vivacité. Garage Skoda Chu vous invite à découvrir les dernières nouveautés Skoda. Pendant tout l'été, faites-vous plaisir. Rêvez Skoda, pensez Skoda Chu et profitez d'un très grand choix de véhicules d'occasion. Garage Skoda Chu à Chenay, au pied de la Côte d'Hambourg. Skoda Chu, le service en plus. Voltaren est un médicament ou diclofénac. Pas d'utilisation prolongée sans avis médical. Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans en cas d'hypersensibilité aux agents anti-inflammatoires non stéroïdiens ou en cas de grossesse. Lire attentivement la notice. Aujourd'hui, on va travailler les genoux. On met sa casquette, on prend les boules et, pour bien viser, faut s'accroupir et on insiste sur les genoux. Ou bien on pointe ou bien on tire. Allez, on se relève, on va récupérer le cochonnet. Retrouvez le plaisir de bouger grâce à Voltaren Emulgel Forte contre les inflammations douloureuses de vos articulations. Une seule application toutes les 12 heures. Soulage votre douleur durablement. Bon appétit avec Vivacité, il est midi. L'actualité avec vous, Justine Hermans. Bonjour à tous. Si vous prenez le train régulièrement ou non, vous avez peut-être déjà été confronté à des retards, à des suppressions, parfois la faute à des vols de câbles. C'était encore le cas ce matin sur la dorsale wallonne. Il y a eu de grosses perturbations entre Tournai et Mons à cause d'un vol de câble en cuivre entre Péruet et Blaton. Infrabel constate une recrudescence des vols depuis le début de l'été, toujours dans cette même zone. Frédéric Sacré, le porte-parole d'Infrabel. Globalement, les vols de câbles sont en nette diminution par rapport aux années noires qu'on a connues, qui ont été les années 2011 et 2012. Mais en effet, on a constaté ces dernières semaines une recrudescence du nombre de faits dans la région frontalière de Blaton et Péruet. Est-ce qu'on a une idée du nombre de vols qui ont été perpétrés ? Il y a eu plusieurs faits pendant le mois de juillet et encore trois au cours de la semaine écoulée. Des faits qu'on a constatés soit immédiatement parce qu'on a eu des alertes dans nos cabines de signalisation ou qu'on a constaté a posteriori en se rendant sur place. Donc ça semble être l'œuvre d'une même bande, de mêmes individus, de par différents éléments de modus operandi. Frédéric Sacré au micro de Denis Van der Brugge note qu'Infrabel tente de trouver des solutions pour limiter les vols, notamment en remplaçant les câbles en cuivre par des câbles en aluminium, un métal beaucoup moins convoité par les voleurs. Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire a d'ailleurs prévu un important chantier en septembre sur la ligne entre Péruet et Blaton pour changer les câbles. Une précision, la circulation est revenue à la normale ce midi sur cette ligne. Par contre, un secteur à éviter, c'est le centre de Philippeville, dans le Namurois. Une conduite de gaz haute pression a été percée ce matin, a priori à la suite de travaux. Il y a eu une fuite de gaz, elle est à présent sous contrôle. Un large périmètre de sécurité a été mis en place. Une partie de la population a été évacuée. La circulation des trains est interrompue entre Walcourt et Marienbourg. Un retour à la normale est attendu pour la fin de l'après-midi. Et chaque maison sera vérifiée pour s'assurer qu'il ne reste pas de poche de gaz résiduelle. L'homme soupçonné d'avoir poignardé un médecin hier à Forêt en région bruxelloise a été placé sous mandat d'arrêt. Il est inculpé de tentative d'assassinat. Les causes de son geste ne sont toujours pas connues. De sources judiciaires, l'homme souffrirait de problèmes psychiatriques. Les jours de la victime sont toujours en danger. De son côté, l'association belge des syndicats médicaux réclame des mesures de sécurité adéquates pour les généralistes. 440 000, c'est le nombre de téléspectateurs à avoir suivi les Red Lions sur la 2 hier soir. Grosse désillusion pour les hockeyeurs belges en finale olympique. Ils visaient l'or face à l'Argentine. Ils ont été battus 2-4. Ils se contentent donc de l'argent, ce qui reste un résultat exceptionnel. Eddy De Smet, le chef de la délégation belge, est très fier de la performance des Lions. C'est vrai, aujourd'hui on était tout près de l'or et donc on est un peu déçu, mais à partir de demain... Il faut regarder le tournoi, il faut avoir beaucoup de respect, mais beaucoup de respect pour ce que ces garçons ont fait. Et je suis en admiration pour ce tournoi. Mais effectivement, ce soir, moi aussi, je dirais, nom de Dieu, on était tout près. On n'a pas été efficace devant le goal. On n'a peut-être pas fait le plus grand match de ce tournoi comparé à d'autres matchs. La médaille d'argent est une médaille formidable. C'était l'objectif avant le jeu. On l'a réalisé. Il y a un potentiel énorme et sûrement des garçons qui peuvent continuer jusqu'à Tokyo. Et donc là, ils doivent viser plus haut. Eddy De Smet interviewé hier soir par Eric Libois. Par contre, pas de médaille hier finalement en taekwondo. Nos deux sportifs belges, Jawad Achab et Raele Assemani, sont arrivés au pied du podium. Et aujourd'hui, encore des Belges à suivre au JO. D'abord en équitation à 15h pour le saut d'obstacle de Jérôme Guéry et son cheval Grand Cru. Il y aura du BMX en début de soirée et plus tard cette nuit de l'athlétisme pour le relais 4 x 400 mètres. Toujours en sport, du football aussi ce soir. Pour le derby wallon en championnat de Belgique, le Standard reçoit Charleroi à 20h30. RTBF Mobile Info avec Caroline Gillet. Il y a toujours des conséquences de cet accident sur la E42. Exactement, dans le sens Namur-Liège, l'accident s'est produit peu avant Andenne. Les voies de droite et d'arrêt d'urgence sont neutralisées. On a à présent 5 km de file dans lesquels vous perdez une demi-heure environ en direction de Liège. Prudence, on nous signale également que des débris se trouvent sur la chaussée. On rappelle cette fuite de gaz à Philippeville à hauteur de la rue du Moulin. La chaussée est fermée. Un large périmètre de sécurité a été mis en place tout autour. C'est un secteur à éviter autant que possible. Sur le ring de Bruxelles, en circulation extérieure, un accident s'est produit à hauteur de Zaventem. La troisième voie est neutralisée, circulation ralentie. Vous perdez une dizaine de minutes environ en direction de Grand-Bigard. Et puis quelques files aussi pour rejoindre la France avec sur le 17 envers Lille à partir d'Albeek. Des files sur 4 km, un quart d'heure de ralentissement.

Voilà pourquoi les AP Assurances vous proposent l'assistance vélo. Une assistance 24 heures sur 24 pour toute la famille à 60 euros par an. Plus d'infos sur lap.be. Les AP Assurances, toujours à vos côtés. Ceci est un produit d'assurance d'AGA International SA Belgian Branch. Delta Construction, spécialisée dans la réalisation de maisons unifamiliales sur mesure, vous invite à découvrir une maison basse énergie à Villers-le-Bouillet, rue de Beaudonnier, le week-end du 27 au 28 août de 13 à 18 h. Plus d'infos, delta-construction.be. Delta Construction, votre maison comme vous l'imaginez. Vivacité et les groupements du folklore gastronomique de la province de Liège présentent la 33e journée annuelle des confréries gastronomiques de Wallonie et Bruxelles Capitale le dimanche 21 août à Dolin-Limbourg. Dès 10h, plus de 50 confréries gastronomiques vous présentent les produits des terroirs wallons et bruxellois. Entrée gratuite et parking aisé avec la province de Liège et la ville de Limbourg. Ah bah alors, hein Sylvain, j'ai glissé chef. Bravo. Bon bah désolé hein. Désolé, il y a la pub qui est partie toute seule en fait, voilà, en courant. Mais c'est pas grave, j'espère que vous avez trouvé la bonne réponse concernant notre jeu concours, avec donc cet artiste qu'il faut identifier en une seconde, ou le titre de la chanson pour aller à Belloward. Allez, on réécoute encore une fois. Et puis on vous appelle tout à l'heure, dans quelques minutes maintenant. Un air de vacances sur Vivacité. Ça fait partie des allées de la radio et c'est pour ça qu'on en fait, parce qu'on aime ça, hein, le direct, la prise de risque et les tubes de l'été, ça on adore c'est sûr, c'est Eddie Grant que nous allons écouter avec Gimme Hope Johanna, c'est le tube de l'été 88, cette chanson dénonçant l'apartheid qui fut numéro 1 chez nous en Belgique. Le diminutif Johanna parle de la ville de Johannesburg dont le township Soweto était devenu le symbole de la résistance noire contre l'apartheid. Bien que bannie par le gouvernement sud-africain, la chanson fut largement diffusée dans le pays et dans le monde entier. Voici Eddie Grant sur Vivacité. She's got a sister.

is the life, c'était Amy McDonald sur Vivacité. Il est pratiquement midi et demi. Dans un instant, Emily de Kegel sera là pour les people en vacances. Mais avant ça, eh bien, on vous appelle en direct pour vous offrir l'occasion de profiter d'une journée inoubliable en famille à Belleward, direction Ypres. Et on compose votre numéro de téléphone, vous qui avez joué avec nous, par SMS. Attention, on appelle au hasard en espérant ne pas tomber sur un répondeur. C'est bien parti. Bonjour, je ne vous dérange pas ? Non. Ça va ? Oui, oui, ça va. Vous savez qui vous appelle ? Oui, je l'écoute à la radio, mais je n'y attendais pas du tout. Mais c'est bien. Bonjour, bah oui, vous êtes en direct sur Vivacité. Quel est votre prénom ? Hélène. Hélène ? Oui. Je m'appelle Hélène. C'était votre fête hier, hein ? Oui. Ah bah, exactement. Bonne fête un petit peu en retard. Vous êtes dans quelle région, Hélène ? J'habite à Finistère, près de Verviers. Très bien. Et vous êtes en congé ? Vous êtes au travail ? Non, je suis en congé. Oui. Oh, c'est bien, ça. Vous êtes parti en vacances ? Non, pas cette année. Eh bien, vous allez partir à Belleward. Eh bien, merci. En famille. Vous avez des enfants ? Non, en préparation pour le mois de novembre. Mais... Ah bah, félicitations. Voilà. Bravo. Ben, merci. Comment s'appelle le repapa ? Yves-Marie. Pardon ? Le repapa s'appelle Yves-Marie. Yves-Marie, c'est ça ? Oui, oui, ah, c'est, voilà. C'est très original. À mon avis, il n'y en a qu'un à Timistère Clermont, c'est votre mari. Hein oui, il ne doit pas en avoir beaucoup. Et Yves-Marie, c'est vrai que enfin, moi, personnellement, je n'avais jamais entendu. Ah, bah, voilà, bah, plein de bonheur à vous à partir du mois de novembre. Et bah, allez vous détendre à Belleward, mais peut-être éviter le hurricane, vous savez, les attractions un peu fortes. Hein oui, voilà, on va choisir les attractions. Voilà, par contre, il y a les léopards de l'amour, ça va. Hein, si vous ne rentrez pas dans la cage, oui. Normalement, ça devrait bien se passer. Et voilà, bah, profitez bien de Belleward et merci d'écouter Vivacité. Ça va, merci beaucoup. Ah oui, petit détail, j'ai encore oublié. Oui. J'oublie à chaque fois de vous demander la réponse, c'est incroyable. Aujourd'hui, je suis distrait, c'est comme ça, c'est le jour de la distraction. Donc, nous jouions avec ça. Hein. Et vous nous avez envoyé par SMS... Beyoncé. Mais oui. Avec Single Lady, bah bravo à vous, on vous envoie donc à Belleward, c'est confirmé et on vous embrasse. Merci beaucoup. À bientôt, au revoir. Oui, au revoir. Et de Beyoncé à Pascal Obispo, il n'y a qu'un curseur à lever que Sylvain vient de lever là. Parfait, hein, je dis parfait. Je ne sais plus d'où naissait ma colère. Il a parlé, ses torts sont disparus. Ses yeux priaient, sa bouche voulait plaire. Où fuyais-tu, ma timide colère? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne veux plus regarder ce que j'aime. Dès qu'il sourit, tous mes pleurs sont perdus. Par force ou par douceur suprême, l'amour et lui veulent encore que j'aime. Je ne veux plus. Je ne sais plus le fuir en son absence. Tous mes serments alors sont superflus. Sans me trahir, j'ai bravé sa présence. Mais sans mourir. je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus, je ne veux plus. C'était Pascal Obispo sur Vivacité. Et c'est les People en vacances. Avec celle qui nous quitte aujourd'hui, tout à l'heure, à l'issue de son émission Un été extraordinaire. L'été du bon côté. Ça va aller, Stéphane? Écoutez, c'est votre jus de pomme. Et en plus, c'est vrai, elle est venue avec des boissons. On fait un petit drink, on raconte tout ce qui se passe. Elle est venue avec des boissons, mais sans alcool, parce non, que vous partez vraiment après l'émission. J'ai de la route à faire. Ouais. Oui, je pars vraiment, mais pour de vrai. Ouais. Après l'émission, ouais, j'ai à peu près 1200 bornes à faire. Voilà, en deux jours, quand en même. Deux fois, ouais, en deux ouais. étapes. Bon. Très bien. Et donc les People en vacances, c'est avec vous, c'est votre dernière journée. Alors, je ne vais pas décéder après. C'est juste ma dernière journée Viva, ma dernière journée en Belgique. Oui, parce que avant de revenir très souvent, mais. Quelle est la chanson qui représente le mieux l'été pour vous, Émilie? Non, c'est pas ça. Ah si. C'est vrai. Il est du Sud-Ouest lui aussi, non? Il est de ouais un petit peu plus au nord que là moi où je vais, mais ouais. Ah ouais. Il a d'ailleurs une équipe de rugby à Brive-la-Gaillarde. D'accord. Donc vous irez au rugby chanter avec Pascal, enfin ouais. Patrick Sébastien. Ouais. Hein? Voilà. C'est ça. Sympa, le petit bonhomme en mousse. Bon bah où partez-vous cet été au Pays Basque? On a la réponse. Quel était votre meilleur souvenir de vacances? Ah bah c'est celui-là. C'est vrai. Alors expliquez-nous, c'était quand, c'était où? Mon meilleur souvenir de vacances. C'est d'une certaine logique et en même temps c'est tellement bateau. C'est il y a 14 ans là, au Pays Basque, la première fois où j'ai vu l'homme qui va partager ma vie à partir donc de demain. Ah c'est dingue ça. Ouais. Ah oui, c'est une histoire qui... Ouais. Extraordinaire, on n'a pas le temps là. Oui. Waouh, bravo. Vous êtes plutôt camping ou hôtel? Ça dépend des circonstances, mais j'avoue que plus j'avance en âge, le premier qui dit que je suis vieille, il en reçoit 5, mais je préfère les hôtels. Mais j'ai été très camping. La météo idéale de vos vacances? Alors, chaud mais pas trop. Il peut y avoir un petit voile nuageux, mais alors surtout pas de pluie. Alors, la boisson, bon là c'est sans alcool, c'est jus de pomme ou jus d'orange, hein, ouais. Les deux. Mais sinon, si une fois arrivé au Pays Basque, quel est votre apéro, votre cocktail favori? C'est compliqué ça, il y en a tellement. Mais je suis dans une période très bière en ce moment. Ouais. Vous buvez de la bière? Ouais. Et alors il y a de la bière basque, c'est pas la meilleure, c'est pas ce qu'ils font meilleur non plus, mais c'est à goûter, c'est à tester. Quel est votre plat préféré? Ah, les chicons gratins, de ma maman. En été? Par tous les temps. C'est vrai? Par tous les temps. Ou alors si vraiment l'été, c'est une salade grecque. Donc concombre, tomate, feta, oignon rouge. Ouais, le bon régime crétois quoi. Ouais. Ouais. La glace, fraise, vanille, chocolat, un autre parfum? Oui, alors ça, c'est un sorbet d'orange sanguine fait par ma meilleure amie Julie. Très bien. Vous allez emmener tous ces gens au Pays Basque? C'est prévu, c'est prévu. Parce en que... fait, moi, je pars en éclaireur et il y a un charter qui me suit. Oui. Maman, tu sais m'envoyer un chicon au gratin, là? Non, je viendrai le manger à la maison, chez elle. Je serai obligée de revenir. C'est combien d'heures de vol si on prend l'avion entre le Pays Basque et la Belgique? Alors, c'est 1h30 à tout casser. Si vous prenez les low cost et vous avez un bagage à main, c'est 3 heures de porte à porte. Donc, c'est tout à fait faisable. On peut partir le matin et revenir le soir, à la limite. Quasi. Ouais, ou le jour d'après, quoi. Ouais. Alors, chez nous en Belgique. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Vous voulez investir auprès d'une personne de confiance? Rendez-vous chez l'agent bancaire AXA près de chez vous ou sur axabank.be/investir. AXA, réinventons la banque. Vous souhaitez aménager votre intérieur avec de nouveaux placards? Vous rêvez d'un dressing sur mesure? Ego vous propose des solutions de rangement qui s'adaptent à votre intérieur, mais aussi à votre budget. Et pour que votre rêve devienne réalité, Ego vous offre jusqu'à 1000 euros de remise pour un placard parfaitement équipé. Conditions sur ego.be. Vivacité présente Fiesta City du 26 au 28 août à Verviers avec Overphonic, Magic System, Les Innocents, Kenneth Heath, Grand Georges, Hugo, Jacques Stotzem, Kate Anstrel, Boogie Boys and the Boogies. En concert gratuit, toutes les infos sur fiestacity.be avec le soutien de la province de Liège, l'Avenir et la Loterie Nationale. Moi, je fais toujours attention à l'origine de mes produits. Eh bien, nous, on fait pareil avec nos tomates en grappe. On a monté la filière qualité Carrefour avec des producteurs sélectionnés. Enfin, on a monté une filière, mais on a surtout baissé les prix, monsieur Marc. Jusqu'à mardi, chez Carrefour Market, nos magnifiques tomates en grappe filière qualité Carrefour sont à seulement 99 cents le kilo. Carrefour Market, la fraîcheur comme vous l'aimez. Dites les amis, un petit conseil entre nous, si vous voulez pédaler avec nous samedi, préinscrivez-vous sur rtbf.be/lebeauvélo, vous gagnerez du temps et peut-être une bicyclette en BA. En télé sur la Une. Et je t'ai apporté des pâtes de fruits. T'as bien fait, les vieux adorent les sucreries. Mais moi, pas. Quand un père et son fils se redécouvrent, la vie prend un autre parfum. Si vous voulez rentrer chez vous, il faudra faire des aménagements, enfin des travaux. Faut compter deux petits mois. Deux mois ? La fleur de l'âge avec Jean-Pierre Marielle et Pierre Arditi, lundi soir sur la Une. Merci de nous écouter sur Vivacité. Désolé, les pubs partent toutes seules. Émilie, on vous a interrompu. Au fond de cette dans votre questionnaire des people en vacances, assez animé par Patrick Sébastien. Ouais. Je savais vraiment pas que c'était votre idole. Mais c'est mon idole dans des circonstances bien particulières, genre aux fêtes de Bayonne. Il y a deux ans, je pense. Voilà, gros délire avec cette chanson-là. Il était là. Lui n'était pas là, mais sa musique était partout, par contre. Ah oui, là, c'est une véritable star. Oui, mais enfin, c'est très festif. Hein, donc, C'est le roi de la fête. Vous entendez ça, même si vous n'aimez pas, vous êtes obligé de bouger. Voilà. Bon, chez nous, en Belgique, est-ce qu'il y a un endroit où vous vous sentez vraiment en vacances ? Un peu partout en fait, parce que je trouve qu'on est dans un petit pays magique, mais c'est vrai que si on parle vraiment vraiment vacances, moi j'ai des souvenirs de vacances au camping, justement du côté de Blankenberg, Wenden, De Haan, tout ça là-bas. Là on est en vacances parce que déjà il y a la proximité de l'eau, les mouettes, tout ça. Pour moi, ça, c'est dès qu'il y a de l'eau, pour moi c'est synonyme de vacances d'une manière ou d'une autre. D'accord. Et puis là maintenant on va réaliser votre rêve, hein? Non. Si. Non. On va réaliser votre rêve, Émilie. Vous avez réussi ? Écoutez bien. C'est pas gagné, ça. Mais prends le temps de vivre ta vie, ma petite Émilie jolie. Les oiseaux ne sont pas pressés. Alors ben voilà. Quelle version ça ? C'est la version de Philippe Châtel. Ah ouais, Philippe Châtel. C'était une autre version la vôtre ? Non, justement, ça c'est ma préférée puisque c'est un petit peu grâce à lui, à Monsieur Châtel, que je m'appelle comme ça. Ah oui ? Oui. C'est le conte musical qu'il a créé en 1979, je pense. Moi, je suis arrivée un an et demi après, donc voilà. Sinon, il y a la version de Johnny Hallyday aussi. Hein. Ah, elle est pas mal aussi. Hein. Ouais, elle est pas mal aussi. Merci Émilie d'être passée. De toute façon, vous allez rester puisque dans quelques instants, un petit peu avant 13h, le top 3 du Pays Basque, donc le tip top du Pays Basque. On va s'imprégner vraiment de l'endroit où vous allez. Vous allez vous y installer, mais certains auditeurs auront certainement envie de découvrir le Pays Basque en tant que lieu de vacances. Un endroit très prisé d'ailleurs, hein, Biarritz. Ouais, enfin, vous n'êtes pas tous en même temps non plus, mais... Il faut venir. Mais il n'y a pas que Biarritz. C'est vrai que quand on pense au Pays Basque, c'est la première ville qui vient. Biarritz, Bayonne, Saint-Jean-de-Luz. Mais le Pays Basque en lui-même est magnifique. Et je vous conseille à le découvrir dans tous les sens. Parce que vous avez la mer, la montagne, la campagne, le côté sauvage. Tant au niveau des paysages, des animaux que des gens aussi parfois qui peuvent l'être un petit peu au niveau du Basque. Mais c'est vraiment magnifique. Voilà, bah écoutez, je vais m'y installer. Et puis je vous dirai l'année prochaine quand vous me rappellerez pour les people en vacances. Bah ouais, on vous rappellera l'année prochaine sans aucun souci, ouais. Avec plaisir d'ailleurs. On se retrouve donc tout à l'heure avec la musique du Pays Basque. Avant ça, on va faire un petit détour par Arlon, hein, puisque le beau vélo de Ravel s'installe à Arlon. On sera dans un instant avec Adrien Jovenot sur Vivacité. Jusqu'à 13h sur Vivacité, un air de vacances avec Stéphane Piedbeuf. As the day will come to shore and wash me up at your front door. Never knew You take me back. Now it seems if all too clear. Funny how this works, my dear. Only dawn could bring me back. No. C'était Puggy avec Saul sur Vivacité. Dans tout de suite, on y va, on va à Arlon, on y va, Beauvais de Ravel, Arlon, on y va, on y va maintenant, ouais, c'est. Bah, c'est parti alors. Le mieux en mieux. Le Beauvais de Ravel, c'est au Vivacité. Je pense qu'Emilie, pour son pot de départ, aurait dû prendre de l'alcool. Ça aurait fait moins de dégâts que le jus de pomme et le jus d'orange. Parce que je vous promets qu'on ne boit que du jus de pomme et du jus d'orange. Le jus de pomme était non filtré, c'est pour ça. Ah, ça doit être ça. Trop de vitamines. Parce que là, on a vraiment l'impression d'être des ivrognes à l'antenne, alors que pas du tout. On a juste mangé des chips et bu du jus de pomme ou du jus d'orange en fonction des préférences. Bon, après Vielsalm, il y a plus d'un mois, le beau vélo de Ravel revient en terre luxembourgeoise ce samedi. Donc pour vous proposer une balade à pied, à vélo ou à cheval, au départ d'Arlon. Mais où êtes-vous exactement, Adrien ? Bonjour ! Bonjour Stéphane, nous sommes déjà sur la plaine des manœuvres avec le géo, le directeur de course du Beauvélo de Ravel, Francis Hubin, ici à Arlon. Vous pouvez sur ce parade ground vraiment bien vous donc, étendre. Ben oui, même chose, c'est ici que s'implante le carnaval d'Arlon et on va pouvoir y placer, ben on y a placé déjà notre scène, notre intendance, le chapiteau d'accueil, le chapiteau VIP et l'ensemble du village, du Kids Village pour accueillir les gens dès 9h30 demain matin pour l'accueil

my blood is rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop, stop. De feeling, c'était Justin Timberlake sur Vivacité. Dans un instant, Emily prendra le relais avec l'été du bon côté, mais avant cela, le tip-top du Pays Basque. Alors, je vous ai pas préparé, comme on l'appelle communément, un top. Je vous ai juste choisi trois styles de musique basque classique, oui, comme on peut l'entendre. Donc, au démarrage, il y a ce qu'on appelle les chœurs basques. On parlait tout à l'heure de ce que vous avez offert avec Michel Fugain, tout ça, les chœurs estoniens. Oui. On pense aussi ça, aux polyphonies corses, etc. Et alors, il y a les chœurs basques avec l'un des groupes les plus connus internationalement parlant, c'est le chœur Oldara. Ah, ils sont nombreux, hein. Chœur d'hommes. Oui. Il n'y a que des hommes. Et il faut savoir que les Basques, de manière générale, chantent tous très bien. Et quand vous vous retrouvez à des fêtes de village ou autour d'un verre, etc., les hommes parfois se mettent à chanter comme ça. Tous ensemble. Tous ensemble, avec différentes harmonies, etc. Et c'est magnifique, ça vous dresse le poil, c'est extraordinaire. Donc ça, c'est Oldara. Maintenant, on est plutôt dans le côté tradition, folklore, avec un grand F. Il existe des artistes basques, évidemment. Et donc, je vous ai sélectionné une chanteuse basque. Elle s'appelle Zea Maïs. Et elle chante en basque ? Ou peut-être en espagnol aussi de temps en temps, parce que vous avez basque-espagnol. Oui. Donc sympa, là, c'est, très jolie voix. Hein. Très sympa à voir en concert. Mm-hmm. Et alors, sur la première marche du podium, je vous ai un petit peu dévoilé une partie de ma vie hein, tout à l'heure en vous disant que voilà, je pars par amour. Oui, bah c'est bon, c'est une belle histoire. Voilà, pour un basque que j'ai rencontré il y a une quinzaine, ouais, 14-15 ans maintenant. Et donc là, c'est lui en fait qui avait envie de faire passer un petit message pour moi, puisqu'il a sélectionné cette chanson-ci. Donc, c'est un groupe de mecs. Oui. Alors, on veut savoir ce qui se raconte dans cette chanson. Alors, au niveau des paroles, je ne sais pas. Ouais. Mais au niveau du titre, c'est Biots. D'ailleurs, ils le disent très souvent. Et en fait, Biots en basque, ça veut dire cœur. Ah. Donc, par amour, tout ça. Et il vous attend, là. Il doit être. J'arrive. Il doit être au taquet, là. Hein. On peut avoir le prénom ou... Yon. Yon. Eh ben, franchement, Yon, ben, plein de vœux de bonheur. Hein. On vous envoie Émilie après son émission. J'arrive. Bon. Merci beaucoup, Émilie. C'était un plaisir de partager l'été avec vous parce que c'est vrai qu'on était là tout l'été. Mm-hmm. Et, même avant, hein, Stéphane. Mais oui, même avant, etc. C'est chouette. Ça fait une paire d'années maintenant qu'on se connaît. Waouh, au moins plus de 10. Donc. Donc bah voilà, bonne route, vivre pour le meilleur, c'est ce qu'il faut faire, hein, comme le chantait très bien Johnny Hallyday. Exactement. Et il faut suivre sa voix, son instinct, sa petite voix. Et son cœur, son biote. Voilà, et son cœur, exactement. Bravo en tout cas. À bientôt. À bientôt Stéphane. Sister Sledge sur Viva avec We Are Family. Allez, Émilie Dekegel vous accompagne dès 13h après le journal pour l'été du bon côté. Gros bisous, Émilie, et à très vite sur Viva. Vabona, votre arme contre les insectes. Bonne journée à tous. Le ciel s'encombre, de nombreux nuages et des bruines arrivent par l'ouest du pays. Les températures, malgré tout, restent relativement douces. On attend encore 20 à 24, voire localement 25 degrés pour aujourd'hui. La situation va changer, les bruines vont nous quitter, mais demain, le vent va se renforcer. On parlera d'averses, pas trop nombreuses. Les maxima, 18 à 21 ou 22 degrés, avec des rafales de vent jusqu'à 50 km à l'heure. Un vent qui se renforce encore légèrement dimanche, avec pas plus de 17 à 20 degrés. Les averses seront alors un petit peu plus nombreuses et pourraient s'accompagner d'un coup de tonnerre. On reviendra à un temps sec et plus chaud en milieu de semaine prochaine. RTBF Ovio, c'est ma toute nouvelle plateforme digitale audio et vidéo. RTBF Ovio, c'est en quelques clics une foule de contenus à voir et à écouter en direct, plus tard ou même avant les autres. rtbf.be/ovio. A-U-V-I-O. RTBF Ovio, libérez vos envies. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Vivacité les 13h. Trop peu ou carrément de mauvais médicaments prescrits. Selon une étude, 4 personnes âgées sur 10 sont mal soignées en Belgique. Le centre commercial City 2 à Bruxelles n'ouvrira plus le dimanche. Ce n'est pas assez rentable. Un week-end de retour en vacances se profile. Certains vacanciers écourtent leur séjour pour éviter les bouchons. En football, le Standard affronte Charleroi ce soir. Charleroi en forme. Le Standard un peu à la traîne en ce début de saison. Le journal de 13h avec vous, Simon Gérard, bonjour. Bonjour Émilie, bonjour à tous. Beaucoup de personnes âgées sont mal soignées en Belgique. Selon une étude réalisée par un professeur de l'université de Gand, près de la moitié des seniors seraient mal conseillés en ce qui concerne leur prise de